L'irréprochable par Catulle Mendès. Une tête se leva à peine sous l'emmêlement des cheveux. « Et Ludovic ? » demanda-t-elle. « Ah, le pauvre garçon !» dit Thérèse dans un rire saccadé qui détailla les syllabes. Puis elle eut un si fol accès de gaieté que ce fut parmi les malines des rideaux comme un envolement de 20 oiseaux qui battent de l'aile avec de petits cris joyeux. Et dans la chambre étroite, jolie, pleine de parfums rôdeurs, tout avait l'air de rire aussi. La claire étoffe des meubles, fleurie d'or et de perles, les bibelots de la cheminée, les jupes tombées en rond, les corsages montrant leur envers de surat, les batistes qui gardent des plis, les bas de soie noire et les bas de soie rose, bien des fanfreluches encore, vite jetées, poussées du pied, éparpillées au bras des fauteuils, sur les fourrures du tapis, par le désordre étourdi des toiles interrompues. Mais, tandis que Thérèse s'égayait de la sorte dans un logis bien clos, il s'en fallait de beaucoup que Ludovic, errant par les rues, fût d'aussi belle humeur. Comme il sortait de chez lui, le concierge lui avait remis une lettre, et maintenant, il s'arrêtait à toute minute pour relire l'affreux billet non signé. Certes, il n'y a rien de plus méprisable qu'une dénonciation anonyme, vengeance imbécile de quelque ancienne maîtresse ou d'une domestique mise à la porte. Est-ce qu'un homme de sens doit s'alarmer de cela? D'ailleurs, Ludovic n'était-il pas certain de la vertu de Thérèse? Depuis 2 ans, elle lui donnait des preuves de tendresse et de fidélité, dont se serait contenté le plus soupçonneux des jaloux. Ne se plaisant guère dans le monde, presque toujours à la maison, se faisant prier pour aller au théâtre ou au bal, pas même coquette, elle se réservait pour lui, toutes, et les soirs d'hiver, lorsqu'il lui offrait de sortir, elle disait, avec un sourire qui promettait tant de baisers, « Est-ce que nous ne serions pas mieux, ici, tout seul, au coin du feu ?»« Restons. » « Je mettrai le peignoir de foulard paille, si transparent que tu préfères, tu sais, celui où manque des boutons. Je ferai le thé, je m'étendrai dans le grand fauteuil, et toi, à genoux, tu me diras des choses tout près de l'oreille. » Une fois ayant vu dans je ne sais quel musée un vieux rouet de châtelaine, elle avait déclaré qu'elle serait bien heureuse d'en posséder un pareil. Le moyen de suspecter l'honnêteté d'une femme qui veut filer. Et cependant Ludovic se sentait troublé plus qu'on ne saurait dire. Il est vrai qu'elle était terriblement précise à la calomnieuse lettre. Le jour, la maison, l'étage où il pourrait surprendre les coupables, se convaincre de la trahison, elle disait tout, hormis le nom de l'amant. Et une clé, celle, écrivait l'anonyme, de l'appartement indiqué, avait été glissée sous l'enveloppe. Il est vrai aussi que ce matin, justement, Thérèse s'était habillée à la hâte, avait quitté le logis sans dire où elle allait. Coïncidence singulière. Eh bien, n'importe, malgré les indications formelles, malgré la clé qui offrait un moyen si aisé de tirer les choses au clair, malgré l'inexplicable sortie matinale, il ne se laisserait pas tenter par la jalousie. Il ne voulait pas soupçonner Thérèse, il ne la soupçonnerait pas. Elle, traîtresse, allons donc, est-ce que c'était possible? Tout le monde, avec un peu d'imagination, peut inventer des détails qui ont un air de vérité. La clé, bon, la belle preuve, une clé, on trouve des clés tant qu'on en veut. Et si Thérèse était sortie, c'était pour aller chez sa mère, ou au bain, ou à la messe, car elle avait de la dévotion, douce petite âme ingénue. Ainsi, voilà qui était tout à fait décidé. Il ne tiendrait aucun compte de la lettre, il rentrerait tranquillement, sans passer par la rue désignée. Pourquoi y serait-il? Chez eux, dans leur cher nid, où elle ne tarderait pas à paraître, où ils riraient ensemble du méchant tour qu'on leur avait voulu jouer. Et la résolution de Ludovic était si bien prise, si fermement arrêté, que leur venue, il montait 4 à 4, essoufflé, l'air d'un fou, l'escalier d'une maison inconnue, mettait la clé dans une serrure, traversait l'antichambre, le salon, le boudoir, se heurtait contre une porte close, contre la porte d'une chambre d'où venaient des chuchotements et des rires. Oh, rage! L'une des voix qui riait, il la reconnut. Nul moyen de douter, la lettre n'avait pas menti, il était trahi, bafoué par Thérèse. « Ouvrez, misérable » cria-t-il. Les rires avaient cessé. « Ouvrez, c'est moi. Ouvrez, vous dis-je, infâme !» Il entendait des bruits glissants, comme d'une robe saisie la hâte. « N'espérez pas échapper à ma vengeance si vous n'ouvrez pas !» Et un autre bruit maintenant, celui de meubles qu'on remet en place. « Si vous n'ouvrez pas, j'enfonce la porte !» Plus rien, le silence, comme si la chambre était vide. Alors il se rua sur cette porte, l'attaqua de la tête, de l'épaule, des coudes. Elle était solide, résistait. Dans ses efforts, un certain temps s'écoula. Enfin, un craquement. Les planches allaient rompre. une dernière poussée et il verrait son rival, l'empoignerait, l'étranglerait. Il recula d'un pas, assembla toutes ses forces, s'élança. La porte s'ouvrit d'elle-même. Ludovic vit Thérèse et son amie Valentine en robe de ville, toutes deux le chapeau sur la tête, comme prêtes à sortir, pas effrayées du tout, qui lui riaient au nez. « Avouez, monsieur, que par votre impertinente jalousie, vous avez bien mérité qu'on se moquât de vous en n'ouvrant pas tout de suite. » Et dans la chambre étroite, jolie, pleine de parfums rôdeurs, mais tout à fait en ordre, il n'y avait ni jupes tombées en rond, ni corsages montrant leurs envers de surat, ni batistes éparses, ni bas de soie rose, ni bas de soie noire. Ludovic, en même temps qu'une grande joie, éprouva un grand remords. Oui, certes, il avait bien mérité qu'on se moquât de lui, et il méritait pis encore. Il avait pu douter de la vertu de Thérèse. Il avait cru qu'elle riait entre les bras d'un amant, tandis que, tout simplement, la pauvre innocente, elle rendait visite à son amie Valentine, une amie d'enfance qu'elle voyait parfois, qu'elle était venue chercher pour quelques promenades sans doute, ou pour aller faire des emplettes. Ah, s'il avait tenu l'auteur de la lettre anonyme, celui ou celle qui avait envoyé la clé. Mais l'infamie d'un autre n'excusait pas sa propre faute, on lui avait menti. Il n'aurait pas dû ajouter foi au mensonge, il avait envie de s'injurier, de se battre. N'eût été la présence de Valentine, il se serait jeté aux pieds de sa maîtresse, de son irréprochable maîtresse, lui redemandé pardon, avec des larmes. Oh, comme il la supplierait d'être clémente, quand il serait seul. En attendant, il balbutiait d'humbles paroles, et enfin, ne sachant quelle contenance prendre, il s'enfuit d'un air gauche et honteux. Il avait un projet. Il se jeta dans un fiacre, se fit conduire rue de la Paix, entra chez un bijoutier, acheta un collier, des bracelets de perme, remonta en voiture, descendit devant un magasin de nouveautés, choisit les plus rares étoffes. Il alla ainsi, sans perdre une seconde, de boutique en boutique. Et quand il revint chez lui, quand il osa se montrer dans la chambre où Thérèse l'avait devancé, car elle était là, assise en un coin, la pauvre calomniée, il lui offrit en silence, le front bas, n'osant la regarder en face, les peluches, les velours dépliés et les écrins ouverts. Mais il n'y prit point garde. Ce n'était pas par des présents, si riches soient-ils, que l'on peut apaiser une âme honnête, offensée. « Ludovic, dit-elle avec un soupir, dont il fut attendri jusqu'aux larmes, « vous êtes étrangement coupable. Devant Valentine, j'ai essayé de ne pas laisser voir mon chagrin. J'ai feint de prendre la chose en plaisanterie. Mais mon cœur est atteint d'une blessure qui, de longtemps, ne se fermera pas. » Et en effet, Thérèse avait bien l'air d'une personne qui a reçu une offense imméritée. L'attitude de l'innocence qu'on accuse injustement, cette attitude de fier reproche à laquelle on ne saurait se méprendre, était la sienne, tout à fait. Mais quoi? D'avoir été calomniée, d'être triste, n'empêche pas d'être douce. Lorsque Ludovic, tombé à genoux, les mains tendues comme celles d'un suppliant, l'eut assurée de son éternel repentir, elle ne put se retenir de montrer qu'elle en était touchée. Ses regards furent moins sévères, et apercevant du coin de l'œil les colliers, les bracelets, les étoffes, elle daigna sourire par miséricorde. Alors, se sentant pardonnée, il eut le cœur plein de gratitude et d'admiration. Elle n'était pas seulement la plus chaste des bien-aimées, elle avait, avec la pureté parfaite, la parfaite bonté. Ah, toutes les vertus! Comme on toucherait à une sainte, il prit dans ses mains les chers petits pieds, si fins dans les bottines, qui dépassaient le bord de la robe. Elle le laissait faire, trop bonne, et les baisa encore, avec une humble ferveur. Mais tout à coup, « Madame, » dit-il en sursaut, « eh bien, qu'est-ce, qu'y a-t-il ? Vos bas, madame. » Et il faut avouer qu'à la place de Ludovic, beaucoup de gens n'auraient pas été moins émus que lui. Car si l'un des bas de Thérèse était de soie noire, l'autre, dame, quand on est pressé, l'autre était de soie rose. C'était L'Irréprochable par Catulle Mendès.